La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue, cher public, à une toute nouvelle édition de votre émission de la Fierté Gauche sur les ondes de CIFO 89.1 en compagnie du fringant Lucas Hubert. Bonjour. Ainsi que de moi-même, Sébastien Gartin. Aujourd'hui, on a au programme une discussion sur le nouvel état de l'échiquier politique au Québec et un segment sur le téléversement de la pensée. Mais avant de s'occuper de ces grands mots-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine, Lucas? Écoute, hein, l'actualité, s'est passé vraiment beaucoup de choses là-dedans cette semaine. Hein, rapidement, hein, on a appris qu'un négationniste se présente pour les Républicains comme sénateur en Illinois. Négationniste de quoi? De l'Holocauste. Ah, OK, ceux-là. Là. Ouais, vraiment. C'est juste cette... savoir à quel point c'était un scumbag, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est rendu que les Républicains, il n'y a plus vraiment de honte à genre endosser ces gens-là. On est rendu là, il paraît. Sinon, on a appris aussi bon, que hein, le provincial et le fédéral, ici, on se chicane pour savoir si on va avoir le droit de laisser pousser un petit plant de pote chez soi. Parce que, tu sais, c'est dangereux parce que les enfants de nos voisins pourraient s'en faire jeter dedans. Ouais, puis devenir des schizophrènes. Effectivement, pour ceux qui ont suivi les jolis discours de notre ministre cet été. Ouais. Sinon, si on veut se redonner un petit peu sourire, on a appris qu'il va sortir bientôt un livre avec la correspondance du frère Marie-Victorin. Hein? Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Non. Bon, frère Marie-Victorin, c'est bon, un religieux, mais c'est aussi le fondateur du Jardin botanique de Montréal. C'est un grand botaniste québécois. On le salue. On le salue, oui. C'était dans les années 1920-1930, par contre. Fait qu'on le salue un peu moins. mais bref. On le salue, voyons, tu sais, on salue à titre posthume, c'est ça, mon cher. À titre posthume. Effectivement. bon, c'est ça, on a appris qu'il y avait de la correspondance avec, si on veut, sa conjointe platonique, hein? Puis, on apprend là-dedans qu'il s'intéressait beaucoup à la question de la sexualité, mais sur le plan scientifique. Donc, on apprend par exemple qu'il aimait aller relativement souvent à Cuba pour fréquenter des prostituées. Ah. Pour étudier leur corps. Donc, on apprend par exemple qu'à un moment donné, il examinait à la loupe le clitoris d'une des prostituées, puis bon, il lui commentait sur la grosseur du clitoris, puis il était comme « Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal la taille? » Puis il est comme « Ben non, il n'y a pas de grosseur qui est bonne ou mauvaise. Toutes les tenez-vous grosseurs, le c'est correct. » Tenez-vous le pour dit. Mesdames avait... qui sont complexées de la taille de leur clitoris, tenez-vous le pour dit. Et voilà. Puis bon, il se plaignait sur le fait que l'Église soit vraiment fermée à l'exploration de la sexualité. Il trouvait que ça n'avait absolument aucun sens, qu'il n'y a pas de raison logique en arrière de ça. Puis bon, ben, ça donne aussi une correspondance qui est comme drôle, comme semi-érotique, semi-scientifique. J'en ai bien sûr un extrait, chers auditeurs. Par exemple, il dit à justement son ami qui lui expliquait, qui lui décrivait un peu sa masturbation, il lui disait « Votre dissertation sur la répercussion des caresses mammaires dans la région vulvo-vaginale, en rapport avec votre expérience personnelle, me frappe par sa justesse. » Voilà. Wow! Ça me semble la correspondance à lire à une main. Ça, puis des... Ouais, effectivement, hein, c'est... Et, écoute, je suis presque gêné que tu ailles parler de ça à une heure de grande écoute comme ça. Là. C'est, écoute, ben, 18 ans et plus, là, pornographie, là, on est par là, là. On va changer de sujet dans ce cas-là. Il y a un espèce de gros mouvement étudiant qui se met en, qui se met en vogue présentement en France. Avoue que tu allais dire qu'il se met en branle. Comment t'as su? C'était bien rattrapé, j'ai tout scrappé. Bon, oui, donc, mouvement étudiant qui se met en branle en France. En France, effectivement, par rapport aux migrants, dans le fond, c'est que depuis le 30 janvier, les étudiants occupent des pavillons d'université pour y loger des migrants qui risquent d'être déportés. Donc, les étudiants les nourrissent, ils leur amènent des matelas, des couvertures, ils nettoient les salles, ils refusent l'accès à l'endroit aux gendarmes. C'est par solidarité envers les migrants, mais aussi pour protester contre les politiques de Macron. Dans le fond, l'Assemblée nationale en France est censée voter bientôt une loi qui s'appelle « Asile et immigration » qui voudrait... les migrants, en situation irrégulière à l'expulsion ou à la détention. Par exemple, la loi interdirait aux migrants de dormir dans des centres communautaires, des centres d'hébergement, alors que, de base, ils n'ont déjà pas le droit d'occuper légalement des logements. Donc, en gros, la loi les forcerait à dormir dans la rue. Hey, savez-vous, c'est quand la dernière fois qu'on a vu des trucs comme ça qui se faisaient? C'est des lois de même d'expulser les gens puis de leur enlever leur, les propriétés puis même de leur enlever l'aide sociale? Ouais, je sais, ça vous donner un indice, c'était en 1938 en Allemagne. Oui, hein, c'est un petit peu capote, effectivement. Ce que dénoncent les étudiants, c'est ce qui s'appelle le règlement de Dublin. En gros, le règlement de Dublin, ça fait qu'un migrant doit être expulsé à l'endroit où il a laissé ses empreintes en arrivant en Europe. Alors, en d'autres mots, si un migrant africain, francophone, arrive en Europe en passant par l'Italie, c'est en Italie qu'on va prendre ses empreintes à son arrivée en Italie. Donc, si n'importe quel autre pays d'Europe où il se trouve décide de l'expulser, il s'en va en Italie. Ce qui fait que ce migrant, disons, africain, francophone-là, même s'il est rendu étudiant en France, même s'il s'est trouvé un emploi, etc., ben c'est « désolé, on sait que tu ne parles pas italien, mais on t'envoie en Italie ». Dans le fond, c'est une loi qui a pas tellement de sens, on va se le dire. Ben, en fait, c'est que c'est une extrapolation du droit d'asile de la déclaration des droits des droits de l'homme, là, qui est un terme d'ailleurs. Je vais y venir tantôt, mais Justin Trudeau est plus d'accord avec ça. c'est ça, en fait, c'est en principe, les pays qui reçoivent des immigrants ont le droit de sont obligés de leur accorder l'asile le temps de considérer s'ils se qualifient comme des réfugiés ou non. Donc, ils ont le devoir de les garder sur place puis de leur fournir là, de quoi vivre et ainsi de suite. Ça fait partie des droits humains. Pensez-y, si jamais vous aviez acquitté votre pays à cause d'une guerre ou que n'importe quoi, ben, tu sais, au moins le temps de faire votre demande, au moins est hébergé pendant ce temps-là. Là. Si le pays, après ça, considère que vous devez retourner d'où vous venez, ben là, c'est une autre affaire. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est au moins le temps qui évalue votre demande. C'est, en gros, c'est de ne pas vous faire payer pour les délais de la bureaucratie du pays. L'affaire qui arrive, c'est que souvent, la bureaucratie du pays ne prend pas la peine d'évaluer ça comme il faut. Ce qui fait que ces gens-là se retrouvent dans une espèce de limbe juridique, mettons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'émission, on fait très attention de ne pas dire des immigrants illégaux, mais des immigrants non documentés ou des immigrants sans papier ou irréguliers. Plus juste. Parce que c'est juridiquement plus juste. Il y a personne, c'est pas illégal de migrer en quelque part. C'est un droit humain de se déplacer où ce qu'on veut. Ce qui est encadré par la justice, c'est votre droit de devenir un résident ou de devenir. C'est votre droit de vous y installer. C'est ça qui est différent. Mais bref, à suivre mon futur mémoire de maîtrise qui devrait être déposé d'ici cet été, qui traite un peu du sujet. Mais c'est une aberration. Là. C'est comme quand ils nous font à croire que... Tu sais, je voyais un truc passer sur les réseaux sociaux, là, que on nous met une liste des grandes dictatures dans le monde. Là, qu'est-ce qui arrive? Vous faites fusiller, pendre, ainsi de suite, si vous traversez la frontière. Ici, au Canada, on vous donne un permis de conduire, une maison, un droit à l'accès à c'est complètement faux d'un. Là. C'est pas vrai que les gens qui fuient les États-Unis puis qui arrivent au Canada non documentés se font donner une maison. Là. Bien au contraire, là, on a des bidonvilles de réfugiés au Canada aussi. Là. Ça existe présentement. C'est juste qu'ils sont mieux organisés qu'à d'autres places à cause qu'on n'a pas exactement le même climat que sur la mer Méditerranée, mettons. C'est à cause de ça. On peut pas juste les parquer dans des tentes. Il faut quand même leur donner un toit un peu. Tu sais, la neige puis tout. Merci, c'était très juste. Mais finalement, on vous avait déjà parlé à une saison passée, des déboires des comics de Marvel. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait les dirigeants des comics, là, on parle vraiment là, les affaires en papier, là, qui avaient dit que depuis quelque temps, ils essayaient d'inclure plus de personnages féminins puis de personnages issus de diverses minorités. Et que depuis ce temps-là, hein, ça faisait baisser leur chiffre de vente. Puis bon, ils disaient qu'ils allaient couper là-dedans parce que de toute façon, ça pognait pas. Bon, on avait discuté qu'on trouvait peut-être un peu ça ridicule comme conclusion parce que, bon, premièrement, il y a des personnages féminins qui sont très populaires. On prend l'exemple de Jean Grey. Jean Grey, ouais. Par contre, les autres personnages féminins qui sont, ou pas féminins, mais disons plus inclusifs, qui sont mis de l'avant par Marvel, c'est que souvent, c'est pas vraiment original, c'est souvent des rip-offs des personnages classiques. On a par exemple une femme Thor, une jeune noire Iron Man, un Captain America noir, un Spider-Man hispano-africain, un Iceman homosexuel, une She-Hulk, une femme Wolverine, une femme Spider-Man, une femme Deadpool, etc. Puis ce qu'on avait dit, c'est que peut-être que s'ils veulent inclure ce type de personnages-là, ben, qu'ils leur écrivent des personnages originaux au lieu de juste simplement dire « Bon, ben voici un rip-off d'un autre de nos personnages, puis on a fait notre effort. » Parce que là encore, une qui est populaire, c'est Captain Marvel. Là, effectivement. Qui est une des super-héroïnes les plus populaires de Marvel présentement. Puis c'est un peu sa propre personne, là, dans le sens que oui, c'est pas la première Captain Marvel, puis avant, elle était Miss Marvel, la sidekick féminine du deuxième Captain Marvel, là, parce qu'elle est comme la troisième, techniquement. Là. Mais c'est ça, tu sais, elle est son propre personnage. C'est Carol Danvers, c'est pas pour rien qu'il y ait un film sur elle qui s'en vient là, dans le MCU. Là. Et effectivement, ça, d'ailleurs, j'ai bien hâte de voir ça. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont fini par sortir un peu les statistiques pour essayer de puis leur dire. Puis finalement, ça ressemble pas du tout à ce qu'ils disaient. C'est même déjà que leur conclusion pouvait sembler ridicule, ben, ils sont encore plus finalement. On apprend que, en fait, dans ces calculs-là, ce qu'ils calculent, c'est simplement la vente de comics individuels, c'est-à-dire le petit comic de 20 pages que tu peux acheter dans un dépanneur pour 1$, 2$. Alors que, bon, ces comics-là sont eux-mêmes en chute. Ils ont perdu 25% de vente dans la dernière année. Donc, effectivement, ça a l'air assez dramatique. Par contre, ce qui n'est pas calculé là-dedans, c'est toutes les ventes des compilations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas acheter, disons, le comic Captain Marvel numéro 375. Ils vont attendre qu'ils sortent. Bon, ben là, on vous sort les Captain Marvel numéro 300 à 350. Dans le fond, les mettre par histoire qui suivent au lieu de les mettre par le petit feuilleton toutes les semaines. Là. Exact. Donc, un peu comme l'équivalent de binge-watcher le DVD au lieu d'attendre que ça sorte à tous les semaines. Donc, déjà, ça n'est pas calculé dans les ventes et tout ce qui est les comics numériques ne sont pas calculés non plus dans les ventes. ce qui arrive avec ça, c'est que ben, les comics qui sont calculés dans les ventes, eux autres ont baissé leur vente de 25%, mais pourtant, c'est que les compilations puis les ventes numériques, eux, ont augmenté de 12%. Mais eux autres, c'est pas calculé. Donc, finalement, c'est fort possible que ces personnages-là soient finalement extrêmement populaires, mais qu'ils l'aient simplement pas calculé. C'est-à-dire que, par exemple, moi et mon cher co-animateur Sébastien, ici, on lit les comics Marvel via une application qu'on paye, puis qu'on a accès à tout ce que Marvel a fait depuis que Marvel existe. Mais les lectures qu'on fait, si, par exemple, on trippe sur Madame Thor, ben, ils en tiennent pas compte. Oui, c'est ça. Mettons que, ben justement, tu sais, ça en est un qu'on a lu tous les deux. Mm-hmm. Ben, on l'a lu au complet deux fois. Parce que les deux, on est sur le même compte, là, ce qui est un peu drôle, mais en tout cas. Mais c'est ça, ça n'a pas été compté. Nous autres, on paye par année, en fait, pour avoir accès à ça. Donc, c'est zéro compté. Ça fait de l'argent à Marvel quand même. Ça devrait leur prouver la popularité de ce personnage-là, mais nous autres, on compte pas là-dedans. Et voilà, donc Marvel, vous êtes un peu absurde. Et effectivement. Toi, ben moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que l'humanité est morte, Mankind. Hein? Merci, Monsieur Justin. En fait, je fais référence à la petite histoire que je ne sais pas encore si c'est vraiment newsworthy ou pas, mais c'est en fait Justin Trudeau lors d'une prise de parole avec le public, a fait une blague, puis là, on va le montrer de la même manière pour l'instant, c'est qu'il a dit, il a coupé la parole à l'interlocutrice et il lui a dit, non, mais arrêtez de dire « mankind », tu sais, l'humanité, dites plutôt « people kind », parce que « mankind », ben il y a « homme », tu sais, littéralement, le « mankind », c'est le mot qui décrit c'est l'humanité en anglais. C'est un peu comme dire « homme » pour parler des humains en général. C'est ça, l'homme avec un grand H, mettons, ben tu sais. Là, Justin a eu l'air un peu d'un social justice warrior yet again. Fait que là, ben c'est ça, il y a eu, on parlait en début de, pendant qu'on préparait l'émission tantôt même, il y a un, c'est quel journal britannique déjà, Lucas, qui a... De mémoire, je crois que c'est le Toronto Star. Ouais, c'est ça. Non, OK. Est-ce que tu me parles, je sais pas, c'est le Daily quelque chose, un journal britannique. C'est un journal britannique, hein, c'est de ça, droite. Qui disait que Justin Trudeau a tué l'humanité. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est en train de prendre la parole, là, ça, c'est le Toronto, c'est ça que le Toronto Star a sorti, oui. C'est qu'en fait, en donnant le contexte, parce que là, ça a fait parler beaucoup, parce que les gens étaient comme, ben voyons donc, le premier ministre du Canada, le dirigeant du Canada est un social justice warrior. Ben, bon. C'est surtout que people kind, c'est pas un mot qui existe, ni qui est utilisé nulle part, puis qu'il existe déjà le mot humankind. Puis là, les gens disent, oh political correctness, ainsi de suite. Ben en fait, c'est que ce qui arrive, c'est que... Puis après, Justin Trudeau fait des drôles d'excuses en disant « Ouais, non, c'était une blague qui a mal été comprise. » Puis quand tu as le contexte, tu comprends, en fait, c'est que la personne qui était en train de prendre parole, c'était une femme qui essayait de parler, c'était sur un sujet féministe, qui essayait de parler de certaines choses, du vécu des femmes, que c'est pas facile, puis tout. Puis elle avait de la misère, puis sa prise de parole, ben c'était pas organisé, c'était décousu un peu. Les gens commençaient à la huer, fait que Justin Trudeau, pour alléger l'atmosphère, puis ça, c'est dans le Toronto Star que vous pouvez trouver ça. On va peut-être donner le lien, d'ailleurs, après l'émission. Et qui a dit, dans le fond, ben, il a coupé la parole, puis il a lâché cette blague-là, puis effectivement, bon, la femme s'est partie à rire, puis tout le monde est parti à rire, puis a pu continuer à finir sa question, puis arriver, ainsi de suite. Mais ça, évidemment, c'est pas ce qui a été montré. Donc, ben, c'est ça. C'est très, très drôle. Ensuite, les autres choses que j'ai apprises cette semaine, c'est que nos libéraux provinciaux, cette fois, peuvent aller trop loin et dépasser le seuil où leurs excuses habituelles ne marcheront plus. De quoi je parle? Je parle entre autres de la réforme de la santé qui est décriée par tout le monde maintenant. Ah, wow. Même les gens qui sont des die-hard fans. Hey, je fais vraiment un coup d'anglicisme aujourd'hui, je suis désolé. Les fans finis du PLQ qui les défendent bec et ongles, peu importe ce qu'ils disent, même eux autres sont comme, non, Barrette est dans les patates, là, ça marche pas son affaire. Là. Même, je veux dire, les médecins sont rendus qui militent pour avoir des moins bonnes qualités de travail parce qu'ils disent, ben oui, mais c'est parce que vous en avez vos infirmières pour nous en donner. Arrêtez de nous en donner, donnez-en aux infirmières à la place. Oui, il y avait une très bonne caricature. Je crois que c'est dans la presse qui disait que dans le fond, c'était Couillard et Barrette qui disaient, on a trouvé une solution pour alléger la tâche des infirmières. On va donner une subvention à l'aide aux infirmières, aux médecins. Oui, c'est ça, là. C'était un non-sens là, abominable. Là. C'est ça, c'est un autre bel exemple. D'ailleurs, parlant des infirmières, il y a eu cette semaine l'histoire de la fameuse jeune infirmière là, avec les cheveux mauves, là, que ça a bien traumatisé du monde, qu'elle avait les cheveux mauves. Émilie Ricard. Oui, d'ailleurs, apparemment que tu la connais. Moi, j'étais allé au secondaire. Oui, c'est ça, ben, c'est un peu drôle, là, mais tu sais, bref, on est jet set. Ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, elle a fait une vidéo sur Facebook où elle parlait du temps supplémentaire obligatoire. Partie à pleurer, en fait. C'était tout de suite après un chiffre. Elle disait, en fait, que quand on est obligé de faire du temps supplémentaire, là, premièrement, c'est obligatoire, d'où le mot « temps supplémentaire obligatoire ». Les employeurs forcent les infirmières à rester en poste plus longtemps que ce que leur chiffre devrait être. Donc, c'est cool. Sont extrêmement fatigués, font des erreurs, font un paquet de choses comme ça. Erreurs qui, d'un, mettent les gens en danger et, de deux, peuvent scraper leur carrière bien raide. Là, il y a eu un vent de sympathie envers ça. Il y a eu des nouvelles voix qui sont portées à la défense des infirmières, ce qui est une très bonne chose. Finalement, une autre chose aussi, ben, cette semaine, on parlait un peu du manque de résultats des politiques du ministre Sébastien Proulx à l'éducation. Il a fait plein de projets flashy au début de son mandat quand il était nommé ministre, mais il n'y a comme pas de suite vraiment. Ça a l'air de comme rien donner. Donc, c'est toutes des choses qui font que présentement, les libéraux, ça va peut-être pas super bien, en fait. Oui. Amir Kadir s'est fait chicaner à l'Assemblée nationale parce qu'il disait, bon, justement, le PLQ défendait leur bilan en matière de santé avec les infirmières. Et Amir Kadir est allé dire, bon, selon les règles de l'Assemblée, j'ai pas le droit de traiter personne de menteur. Donc, je vais me contenter de vous montrer les chiffres sur, sur ce que font les infirmières qui correspondent pas du tout à ce que le gouvernement nous a décrit. Fait qu'il s'est fait chicaner par le président de l'Assemblée. Ben oui, qui est quand même assez neutre pour un libéral, mais tu sais, oui. En tout cas. Il y a eu une autre chicane avec le président, avec c'est Jean-Marc Fournier cette semaine, justement. C'était à propos de... Ben, en fait, c'est le PQ hier. Si j'ai bien, c'est hier ou aujourd'hui que normalement, bon, la tradition veut qu'à la période des questions, c'est le chef de l'opposition qui ouvre le bal. Bon. Hein, puis la tradition dans un système britannique, c'est extrêmement important. Et bon, Jean-François Lisée a probablement utilisé la meilleure stratégie en carrière. Hein. Il a demandé à Véronique Yvon de parler à sa place. Oui, c'est ça. Non, mais pour une fois, je n'étais pas ironique. Là. Il a dit, écoute, Véronique Yvon va parler à ma place. C'est elle qui va poser des questions. Puis bon, le leader parlementaire, Jean-Marc Fournier, ça l'a insulté. Puis il a dit, c'est pas vrai que Philippe Couillard a besoin de répondre à cette vice-chef. Il se rabaissera pas à ça. Fait qu'il a demandé à un ministre de répondre à la place. Puis là, la CAQ est allée dire que, voyons, la tradition, c'est important. C'est vrai que Philippe Couillard a pas besoin de répondre si c'est pas Jean-François Lisée qui le questionne, etc., etc. Puis bon, c'est une très bonne idée, honnêtement, je trouve, de la part de Jean-François Lisée, mais il a fallu qu'il cogne le clou sur sa propre bonne idée en disant, voyons, vous reconnaissez pas le droit à la parole de Véronique Yvon de s'adresser à Philippe Couillard, alors que vous laissez des gens de Québec solidaire poser des questions alors qu'ils sont même pas dans un parti reconnu à l'Assemblée nationale. C'est comme, ouais, c'est presque un bon coup, Jean-François Lisée. Mais tu sais, On va en parler d'ailleurs, on va arriver sur son cas dans pas long. Tout ce que je voulais dire, en fait, pour terminer, que je parlais des déboires des libéraux. Puis, comme je dis, on va en parler pas longtemps après. On va avoir une bonne discussion à ce sujet-là. En fait, ça va même l'introduire un peu, mais les transfuges caquistes doivent se mordre les doigts un petit peu. Je parle de Sébastien Proulx, entre autres, c'est un bel exemple, ouais. Qui est un ancien de l'ADQ, en fait. Dominique Anglade, qui est rendue une ministre très importante du PLQ, mais, tu sais, s'il n'est pas élu aux prochaines élections, elle va peut-être le regretter un petit peu de ne pas avoir cru en son ancien le parti qui l'a amené qui l'a amené à la vie publique, en fait. Est-ce que tu sais dans quelle circonscription? Je m'en rappelle pas. D'accord. J'aurais dû vérifier. Hein. Je pense qu'elle est à Montréal, en tout cas. Moi ouais, aussi. Ben, à Montréal, pour l'instant, les libéraux dominent genre à 49%. Ouais. Donc, elle n'est pas trop mise en danger. Non, c'est ça. C'est ça. Ça m'amène à parler de... Tu parlais de Lisive, là, 2 secondes. En fait, ça m'amène à parler de... Oui, on va en parler finalement. Ben, on a appris cette semaine qu'on n'avait pas vu, dimanche pour être précis, on n'avait pas encore vu le pire de ce que Lisée pouvait nous donner. Je parle de la mauvaise blague qu'il a faite à propos de la moustache de Manon Massé. D'ailleurs, blague qui... le pire, en fait, Manon Massé n'a pas l'habitude de prendre des affaires personnelles. Mm-hmm. Elle-même, elle est très ouverte sur le fait qu'elle ne s'arrange pas tellement. Elle garde l'apparence physique, elle n'en a rien à foutre un peu. Elle assume sa montadite moustache, elle n'a pas le goût de se faire enlever ça puis tout. Puis si vous trouvez pas ça beau, ben regardez la peau. Puis c'est un peu ça. Hein. Manon Masson, c'est bien, on connaît son parler, là, tu sais, très. Très prolétaire. Ouais, c'est ça, un parler prolétaire, on devrait dire ça comme ça, ouais. ce qui était en fait, moi, ce que d'ailleurs, je vais donner chapeau à l'Anarcho-Panda, pour ceux qui savent encore c'est qui, l'Anarcho-Panda pour la gratuité scolaire, il a fait, je pense qu'il a eu le meilleur point de vue là-dessus, c'est qu'il dit, c'est que ce qu'on oublie, c'est que, bon, OK, Manon Massé, elle s'en fout un peu de se faire crier des noms, mais d'un, c'est pas intelligent de le faire quand même, et de deux, c'est que c'est insultant aussi pour Véronique Yvon, parce qu'en gros, la blague de Jean-François Lisée, c'était de dire que Véronique Yvon est bien mieux que comme politicienne que Manon Massé parce qu'elle n'a pas de moustache. Donc, en gros, c'était encore rabaisser une femme en politique à son apparence physique. Ce qui était, tant qu'à moi, de ce point de vue-là, la blague était infiniment peu pour Véronique Yvon, qui est, bon, oui, elle paraît bien, on va se le dire, mais c'est une excellente politicienne. En fait, tant qu'à moi, puis les auditeurs de longue date savent à quel point je ne suis pas nécessairement un grand fan du PQ de Jean-François Lisée, mais je veux dire... C'est un des bons éléments qui leur restent. C'est un des bons éléments du PQ. Puis, Colin, il a diminué encore avec... Fait que bref, c'était un peu de ça. En fait, on voulait prendre le restant de la première moitié de l'émission juste pour jaser un peu, parce que présentement, la politique québécoise, puis pour ceux qui me suivent, j'ai un peu parlé de ça hier à Assemblage requis, hier matin, mais c'est que l'échiquier politique au Québec est en train de changer beaucoup. Comme je disais, depuis que Jean-François Lisée est chef, on a l'impression qu'il marginalise le PQ à chaque fois qu'il ouvre la bouche, qu'il est en train de les faire passer pour un... Tu sais, malgré les bons éléments qu'ils ont, comme Véronique Yvon, qui est probablement le meilleur exemple, les fait passer pour une espèce de partie de seconde zone, avec des commentaires imbéciles comme ça. C'est rendu presque un sondage sur 3 dans lequel le PQ est à égalité statistique avec Québec solidaire. Ben, c'est pour ça. Dire, là. Le Québec solidaire qui se fait encore dépeindre comme un parti don radical, puis don extrême, puis ainsi de suite. Tu sais, ça parle à un moment donné. Pire que ça, ben ce qui est drôle un peu, en fait, le but de mon tour de table, c'est un peu de tout introduire ça, c'est que en même temps, ça va pas très bien au PLQ non plus, là, dernièrement. Tu sais, comme on dit, on semble avoir atteint une espèce de seuil où ce que les gens les pardonnent plus les niaiseries au PLQ, puis le PLQ, ils ont souvent la laisse très très longue pour faire ce qu'ils veulent. L'opinion publique va facilement de leur bord, mais on a l'impression que, comme je disais, je fasse peut-être un peu dur sur Jean-François Lisée, mais ça reste que le PLQ, dernièrement, le dernier mandat n'a pas été le plus éclatant non plus, puis je dis ça d'un point de vue parfaitement neutre, là, dans le sens que, je veux dire, j'étais pas d'accord du tout avec l'air Charest, mais on a comme une impression, dernièrement, de peut-être de moins grande maîtrise de la situation. L'usure, ça se fait sentir. C'est l'usure, puis on se dit, ben OK, mais c'est un peu un nouveau PLQ, dans le sens que c'est le premier PLQ sous la gouverne de Philippe Couillard. Mais pourtant, on dirait que non, c'est vraiment juste une continuation, puis que malheureusement, M. Couillard est beaucoup moins beaucoup moins habile politicien, beaucoup moins habile chef aussi, beaucoup moins bon leader pour sa gang, juste d'un point de vue là, du point de vue du parti. C'est ça, il y a moins de leadership, beaucoup moins leadership sur sa gang que Jean Charest en avait. On a l'impression que tout va un peu de tous les bords, puis que Philippe Couillard s'est juste présentement à s'excuser des erreurs de ses ministres. Mm-hmm. C'est vraiment l'impression qu'on en a. Oui, ben, il y avait un article, je crois, dans la presse ce matin qui disait que même les stratèges du PLQ proposent à Couillard de se distancer de Barrette et que Couillard ne sait absolument pas quoi faire avec ça. Là. C'est ni oui ni non. Là. Il continue à se taire. Il utilise un peu la même tactique, on dirait, que François Legault. C'est « Ah, ben ça va pas si mal quand je parle pas, fait que je vais continuer à essayer de pas exister médiatiquement. Mm. » Ben en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que présentement, c'est la CAQ qui ont le Vendée Voile avec tout ça. Bon, c'était un gros troisième parti depuis le commencement. Il allait chercher puis c'est un peu le parti du clientélisme, veut pas, fait qu'il allait grappiller un peu partout les gens qui étaient, mettons, des habitués du PLQ, mais qui étaient frustrés de telle chose. Ben là, la CAQ allait les chercher. Ceux qui étaient frustrés du PQ, tu sais, qui étaient des habitués du PQ, mais qui en étaient frustrés de telle ou telle chose, ben ils allaient les chercher un peu. C'est le changement de logo, c'est pas un hasard. Là. C'est quand ils ont vu que ça commençait à aller mal pour le PQ. La CAQ se demandait, bon, on tire-tu plus du côté rouge ou du côté bleu? Ah, ça va plus mal pour le PQ. On va aller chercher eux autres à la place. Ça va être plus facile d'aller récupérer cet électorat-là. C'est pour ça, tu sais, comme disait François Legault, c'était pas nouveau le nationalisme dans leur plateforme. C'était là depuis le jour 1. Mais c'était nouveau à quel point c'est devenu important. Là, je parle déjà des nouvelles qui datent de un an, mais c'est juste la suite logique de ça, en fait. Tu sais, là, puis là encore, nous, à la sortie de secours, on n'est pas des grands fans des sondages qui se font au Québec. En fait, moi, je considère qu'il n'y a pas de vrais sondages qui se font au Québec. Point, parce que la méthodologie est dégueulasse quand on fait des sondages au Québec, mais ça reste que présentement, ce qu'on constate, il y a une tendance lourde que la CAQ a le vent d'un voile en tabarouette. Je vais m'arrêter là parce que c'est. Je veux pas extrapoler plus que ça, mais on voit que la CAQ, ça va bien, mettons, pour eux autres dans ce temps-ci. Oui, ils seraient censés prendre la région de Québec au complet. Ils sont à 49%. Et en deuxième place, c'est le PLQ avec 17%. Fait que ça, ils ont plus que le double. De ceux qui y suivent dans les intentions de vote. D'ailleurs, petit fait intéressant comme ça, ils ont 11% plus de soutien chez les hommes que chez les femmes. Comme quoi que hein, le droit de vote des femmes, c'est très important. Ouais. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Effectivement. C'est une situation intéressante, en fait, parce que ça faisait longtemps qu'on était pris dans le bipartisme PQ-PLQ, puis que toutes les parties qui essayaient de percer après ça, l'ADQ, c'est le meilleur exemple. L'ADQ, c'était un parti qui a duré presque une vingtaine d'années, en fait, qui n'a jamais été capable de dépasser le niveau de la deuxième opposition. C'est arrivé une fois, en fait, qu'ils ont été la première opposition. 2007, avec la crise des accommodements raisonnables. C'est ça. Ça n'a pas été de beaucoup non plus, d'ailleurs. C'était très circonstanciel. D'ailleurs, on était dans une période où on avait beaucoup de gouvernements minoritaires. Ça n'a pas duré longtemps. Là. Ça a duré à peine un an, je pense, en fait. Ça a été moins d'un an, effectivement. Ouais. Après ça, ils se sont fait complètement balayer de la carte parce que leur petit passage en tant qu'opposition officielle a démontré qu'ils n'étaient vraiment pas prêts à ça. Ce qu'on a vu, c'est que c'est pas pour rien que Mario Dumont, après l'ancien chef de la DQ, en fait, la DQ était le parti de Mario Dumont. C'est pas pour rien que Mario Dumont s'est mis à faire de la TV après. Il était excellent pour commenter après les faits. C'était ce qui faisait le charme de son même quand il n'était pas du tout d'accord avec. Je veux dire, c'était quand même un parti de droite. Là. C'était un genre de parti. La meilleure description, ce serait un genre de parti conservateur progressiste, là, dans le sens que c'était le parti du trickle-down economics, en fait. Là. Ouais. Le parti du patronat, là, c'est ça qu'on devrait dire. À une époque où le PLQ l'était encore moins, d'ailleurs. Il faut se rappeler que, paradoxalement, l'héritage du PLQ comme parti très, très à droite économiquement, c'est beaucoup l'héritage de Jean Charest. Puis Jean Charest, ben c'était un conservateur lui-même, mais c'était. Tu sais, il a commencé à pouvoir faire ça une fois que l'ADQ a comme un peu disparu. Ils ont occupé le champ de l'ADQ depuis ce temps-là. Le champ économique, mettons, le resserrement un peu à droite du PLQ. Donc, c'est ça, bref, c'est toute une affaire, en fait. Comme je dis, je parlais de tout ça pour dire que le PLQ. ça, depuis presque la fondation du PQ, en fait, quand le PQ est devenu un parti reconnu à l'Assemblée nationale à la fin des années 70, c'était pas mal entre le PLQ et le PQ. C'était l'échange entre ces deux-là. Le PQ a été au pouvoir une bonne partie des années 90. Le PLQ est revenu au début des années 2000 avec Jean Charest. Mais c'était toujours entre les deux. On regarde les résultats, juste les résultats des élections juste les résultats de la dernière élection. Le PQ est quand même la première opposition, puis d'une marge raisonnable là, quand même. Là. La CAQ, qui était la deuxième opposition, était une vingtaine de députés, si je me rappelle bien, là, ce qui n'est pas énorme non plus. Là. Mm-hmm. C'est respectable là, encore pour une troisième opposition, mais c'était pas énorme. Là. On a quand même une bonne différence entre le PQ. Mais là, présentement, c'est ça, ça regarde pour un gouvernement, si la tendance se maintient, parce que là, les élections arrivent quand même relativement rapidement, ça va être cet automne. Oui, ben, ça s'enligne pour la campagne électorale est déjà commencée, en fait. Là. Ça s'enligne qu'on fasse comme la France puis qu'on montre qu'on est écœuré du bipartisme. Oui, effectivement. Ça va être le jeune parti clientéliste qui va... Le parti du « on ne sait pas trop quoi » qui va être élu. Ça regarde beaucoup pour ça. C'est intéressant. C'est pas nécessairement une excellente chose. Je pense que quand même, si juste pour conclure, parce que là, on est dû pour arrêter de parler de ça, mais juste pour conclure, je pense que, honnêtement, personnellement, je pense que François... Puis, non, encore, je suis pas un gros fan, là, mais François Legault, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus un genre de projet que Macron. Il y a quand même une genre d'idée fondatrice, c'est-à-dire qu'il veut beaucoup... Il voit le Québec comme une société d'innovation puis qu'il donnait l'impression que le Québec ne réalisait pas son potentiel de ce point de vue-là, puis il veut ramener ça. Il y a beaucoup de gestes que je trouve pas, que je suis pas d'accord avec ça, que je trouve regrettables puis que je pense pas qu'ils vont vraiment aider ce but-là, mais c'est quand même de quoi? Mm-hmm. Ça lui permet quand même de proposer quelque chose en campagne électorale, ce que Macron n'a pas fait. Mais bon, qui vivra verra. Ceci étant dit, qui écoutera pour l'instant entendra Hibou Hibou avec Couleur néfaste. Re-bienvenue à La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 qui vous parlait avant la pause de comment le PQ est en train de s'enliser. Bonne blague. je suis le premier à la faire d'ailleurs. Oui, vraiment. On a maintenant un sujet qui va faire plaisir à Lucas, c'est-à-dire le téléversement de la conscience. En quoi ça consiste? Bon, ben en gros, j'écoutais comme beaucoup de gens hein, la série Black Mirror. Là, changez pas de poste, je spoil rien. Là. Il y a juste un épisode, le dernier épisode, qui est construit autour du concept du téléversement de la conscience. Puis, ben, ça donne que je lis pas mal là-dessus ces temps-ci parce que, ben, moi aussi, ça concerne un peu mon sujet de mémoire. Fait que je vais vous en parler. Hein. En gros, téléversement de la conscience, c'est quoi? En anglais, ils appellent ça du mind uploading. En France, ils appellent ça du téléchargement de la conscience parce que, en fait, c'est un mot de l'OQLF, téléversement, parce qu'en France, ils disent téléchargement autant pour upload que pour download. Ce qui fait des trucs un peu bizarres, parce que quand on parle de téléchargement de la conscience, c'est comme si on parlait du point de vue de la machine. Hein? Mm-hmm. Mais c'est quoi? En fait, c'est le fait de, un peu comme dans la matrice, là, se brancher dans un ordinateur puis dire « OK, ben j'envoie ma conscience là-dedans parce que de toute façon, mon corps est en train de lâcher. » Ou encore un autre exemple, le film « Transcendance » avec Johnny Depp, que probablement que Johnny Depp veut oublier. Pas très bon film, mais il explique très bien, en fait, plus qu'est-ce qui se ferait réellement, là, ce qui peut-être le plus proche d'arriver, là. C'est-à-dire qu'ils font une copie électronique de l'ensemble de son cerveau, dans le fond. Là. Exact. Bon, il y a plein de questions quoi, à se poser sur le téléversement de la conscience. Puis bon, ben, j'ai décidé de faire un peu de philo de l'esprit avec vous aujourd'hui. Bon, premièrement, la question, c'est est-ce que c'est possible de faire ça techniquement? Hein? De base, pour se dire que oui, on doit rejeter l'idée du dualisme, c'est-à-dire le fait que nous, en tant qu'êtres humains, on est un âme et un corps. Si on pense que, bon, hein, l'être humain, il y a une partie immatérielle de nous, soit mystique, soit religieuse, bon, peu importe la raison, si on croit qu'il y a une part immatérielle qui fait notre conscience, bon, on doit se dire que le téléversement est impossible parce que, bon, à moins qu'on trouve un moyen scientifique de downloader un arme, ben non, ça se fait pas. Fait qu'il faudrait, tu sais, ça, c'est un peu des théories un petit peu plus anciennes, c'est-à-dire que vraiment, il existe comme la matière physique qu'on peut toucher avec nos sens, ainsi de suite, mais qu'il y a aussi la matière spirituelle. Là, ce qu'on parle, en fait, ce qui est sous-entendu, c'est que, mettons, la théorie de l'esprit des sciences naturelles, généralement, c'est que l'esprit est considéré comme ce qu'on appelle un épiphénomène de la matière, un peu comme votre Windows installé sur votre ordinateur ou votre iOS sur votre iPhone, c'est un épiphénomène du matériel sur lequel il est installé. C'est-à-dire qu'il y a un matériel physique qui, les interactions à l'intérieur de ce matériel-là créent une espèce de résultat qui est le software ou, dans le cas de l'être humain, la conscience, nos souvenirs, notre esprit, ainsi de suite. Donc, pour se dire que c'est possible, on a besoin de postuler que la conscience, c'est un bidule qui se passe dans notre cerveau, que c'est une mécanique extrêmement complexe qu'on comprend pas encore, mais que c'est quand même une mécanique. Puis qu'éventuellement, on serait capable de décrypter le cerveau. Ça vient, cette façon-là de concevoir la conscience, ça vient beaucoup de Alan Turing, pour ceux qui ont vu le film Imitation Game avec l'excellent Benedict Cumberbatch. En fait, Turing, en 1950, il disait que la conscience, c'est un peu comme une boîte noire, impossible à ouvrir. Et la seule chose à quoi on a accès, c'est les données qui entrent dans la conscience et les données qui sortent de la conscience, c'est-à-dire le input puis l'output, pour dire ça en anglais. Donc, en gros, tu reçois un câlin, input, et output, tu te sens bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la cause entre le câlin puis le fait de se sentir bien? On ne sait pas trop, on n'est pas trop capable de calculer c'est quoi exactement qui se passe entre les deux. Puis, c'est impossible de comprendre ce qui se passe dans la conscience. Ça, chose importante, il faut dire que le fameux article où ce que Alan Turing pose de ces postulats-là puis l'explication de sa recherche, cet article-là a été publié en 1950. C'est rendu daté un peu. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup utilisé, réutilisé, disons, puis réinterprété peut-être de manière plus contemporaine. Donc, d'où le titre du film, d'ailleurs, Imitation Game. Il dit que, étant donné qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la conscience, on ne peut pas savoir c'est quoi la conscience. Donc, pour savoir si une machine est consciente, le seul moyen qu'on a, c'est de regarder si une machine, disons mon cerveau, et une machine, disons un ordinateur, reçoivent les mêmes inputs, les mêmes données entrantes, et que les deux donnent les mêmes outputs, les données sortantes à la fin, on devrait conclure que c'est de la conscience. Donc, en d'autres mots, si quelque chose imite la conscience, c'est de la conscience, pour Alan Turing. Là, l'affaire, c'est que, là, je vais arriver avec mon... parce que là, on le dit tout le temps, nous autres, on est deux gars de philo, mais moi, j'ai étudié en psycho avant. Puis là, ce qui arrive, c'est que ce qu'Alan Turing a fait, c'est qu'il a décrit sa machine, il l'a décrit d'un point de vue behavioriste, c'est-à-dire, justement, on regarde seulement l'input puis l'output, on ne considère pas ce qui se passe entre les deux. Donc, ce qui se passe entre les deux pourrait être n'importe quoi tant que l'output fait avec l'input. L'affaire, par contre, c'est que l'invention d'Alan Turing, qui est le premier ordinateur dans le sens moderne du terme, première machine à calcul universelle, dans le fond, a donné lieu aux ordinateurs contemporains. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui, à mesure que ça se développait, des années 70, il y a du monde qui ont fait « Hey, mais là, ça a un genre de conscience primitive, extrêmement primitive et extrêmement spécialisée, mais de la façon que ça marche, cet ordi-là, on est capable de décrire ce qui se passe en dedans. » Puis ce que je voulais dire, là, l'épiphénomène, c'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple de l'épiphénomène des ordinateurs, parce qu'en fait, c'est les chercheurs en psychologie de cette époque-là ont fait « Ouais, mais en fait, on pourrait très bien traiter l'esprit humain pareil comme l'ordinateur. L'esprit humain, c'est un peu comme le système d'exploitation. » Fait que, oui, on peut comprendre, on peut dire de quoi par rapport à la conscience, pas juste une boîte noire. Ça a donné lieu à l'école de pensée qu'on appelle le cognitivisme. Éventuellement, les cognitivistes et les behavioristes, c'est-à-dire ceux qui étaient de l'approche d'Alan Turing, qui étaient en psychologie, qui avaient les mêmes fondements que ce qu'Alan Turing a défendu dans son fameux article, ils ont fini par se fusionner. Ça a donné l'école cognitivo-comportementale ou l'école cognitivo-behaviorale, qui, en gros, c'est le mélange du behavioriste et du cognitiviste. Puis ça fait que, il y a l'input, le traitement et, finalement, l'output. Donc là, ce qui est drôle, c'est que ce qui a réfuté Alan Turing, c'est quelque chose qui est basé sur son invention, ce qui est très drôle, en fait. mais c'est un des petits hasards de l'histoire qui rend tant la vraie vie plus intéressante, des fois, que la fiction. Mais là, ce que ça a donné, c'est que à partir de ce moment-là, on s'est mis à considérer l'être humain comme un ordinateur seulement extrêmement plus sophistiqué, extrêmement plus complexe, puis organique, c'est une affaire importante à dire. Ce que ça veut dire, c'est que, contrairement à, mettons, le laptop sur lequel il y a mes notes de l'émission qui est là, qui a un processeur, qui est capable de faire un certain nombre de tâches, on s'entend, mon ordinateur, je vais faire une multiplication extrêmement complexe que moi-même, je ne suis pas capable de faire avec ma tête, qu'il faut que je fasse sur un papier puis tout. Mon ordinateur, il fait une fraction de seconde. Donc, pour des tâches spécialisées, extrêmement performant. Le problème, c'est que notre cerveau humain, faire des tâches mathématiques, c'est une des affaires faciles à mesurer, mais c'est une fraction de ce que le cerveau humain fait. Puis c'est là qu'est le gros problème. Ben, en fait, si on veut ramener ça dans le débat, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, Il y a deux grosses questions pour comprendre le problème du téléversement de la conscience. La première, c'est est-ce que la machine peut être consciente? Puis la deuxième, c'est est-ce que la machine peut être moi? On va passer les questions une à l'autre. La première, la machine peut-elle être consciente? C'est une première question qui est déjà difficile parce que justement, on ne sait pas trop exactement en quoi ça consiste la conscience. Puis le problème, c'est que même si on découvrait comment décrypter nos pensées ou nos souvenirs, parce que bon, on accepte que tout c'est de la machinerie extrêmement complexe dans le cerveau, mais que nos souvenirs sont quand même encryptés à quelque part d'une manière qu'on ne sait juste pas encore comment. Ça, justement, on va donner un exemple rapidement pour expliquer pourquoi c'est important. Un bel exemple, en physique, ça a l'air de ne pas avoir de lien, mais la théorie de la relativité d'Einstein, à l'époque où Einstein a fait ses postulats, il se basait sur certaines observations, mais en fait, pour prouver sa théorie, l'instrumentation pour faire les expériences pour prouver sa théorie n'existait pas encore, mais il disait, c'est une question de temps avant que ça existe. Quand telle machine capable de faire va être inventée et perfectionnée, ils vont pouvoir faire telle expérience et ça va permettre de prouver ça. C'est un peu la même chose avec la conscience. On se dit, OK, si on prend tous les postulats qu'on a dit à date, comment est-ce que le cerveau fonctionne? C'est juste la machinerie. C'est la machinerie tellement complexe que présentement, on n'a pas justement les capacités de traitement de données pour l'analyser. On n'a pas assez de... On n'a pas les techniques pour tout analyser puis tout le comprendre à 100%. Bien, si c'est vraiment juste la machinerie, un jour, on va l'avoir, cette technologie-là, qui va nous permettre de l'analyser. C'est pour ça que c'est important. Continue, Lucas, je m'excuse. Donc, soit on postule, on va être capable, par ordinateur ou par, bon, des trucs extrêmement complexes, de décrypter nos pensées ou nos souvenirs. Mais est-ce que ça suffit? Le fait de dire, je pourrais me brancher un ordinateur puis prendre, mettons, le souvenir de ma première date avec ma copine puis mettre ça sur un disque dur pour pas perdre ce souvenir-là. Mais est-ce que ça suffit pour dire que ce disque dur-là est conscient? La réponse est non nécessairement parce que ça ne suffit pas de dire que on prend des données du cerveau puis on les transfère sur un autre périphérique. On doit aussi transférer la structure de la conscience. Et c'est là qu'on n'a absolument aucune idée c'est quoi la structure de la conscience. Puis ça, c'est un moment où ce que la psychanalyse va devenir intéressante. En fait, là encore, j'en viens avec mes théories de psychologie, mais c'est que jusqu'à un certain point, bon, la conscience puis la personnalité, ça peut être deux choses. C'est notre manière de, là encore, notre manière de traiter l'information, de réagir aux événements, de réagir à un paquet de choses. Comment on fait pour créer des règles générales là-dedans? C'est pas tout le monde qui réfléchit de la même façon. Tu sais, il y a tout le temps les espèces de théories de « Ah, il y a les gens visuels, il y a les gens kinesthésiques. » C'est juste un axe parmi des milliers d'axes, en fait, qu'on pourrait utiliser pour décrire ça, en fait. Là encore, on parle pas de la conscience humaine, c'est le fruit de milliards d'années d'évolution. Là. C'est pas comme un ordinateur qui a été développé dans les 10 dernières années. Là. Mm-hmm. Oui. Puis de toute façon, c'est que même si on pense à la conscience en tant que... On va s'imaginer, là, pour continuer la discussion, on va s'imaginer qu'on serait capable là, de... On transfère les structures de la conscience dans un ordinateur, puis bon, le téléversement de la conscience, félicitations, vous y êtes arrivé. Mais il y a un autre problème, c'est que, bon, est-ce que finalement c'est statique ce qui va être dans le disque dur externe? Est-ce que ça va continuer à analyser des données puis à avoir un input et un output? Est-ce que ça va être compatible, le input, par exemple? Est-ce que le fait d'avoir une caméra qui m'envoie des pixels à moi dans mon cerveau, qui serait dans ma conscience numérique, est-ce que c'est la même chose, la vue et les pixels que m'envoie la caméra? On a déjà eu le problème, c'est pas cet été, l'été d'avant, il y avait eu une voiture autonome qui avait fait un accident de la route, puis bon, les gens ne comprenaient pas ce qui était arrivé. Puis finalement, c'est dans le cours de l'été passé ou un peu avant qu'il avait fini par sortir qu'est-ce qui était arrivé exactement sur la personne qui était décédée dans la voiture autonome. Ce qui était arrivé, c'est qu'il y avait un camion, imaginez un gros camion là, de livraison, là, de marchandises, une van blanche qui a tourné un coin, puis la voiture s'en allait. Puis bon, la caméra de la voiture, les sensors de la voiture, ce qu'ils ont vu, c'est des pixels blancs qui passaient devant le soleil. Donc, ils en ont conclu que ben, c'est un nuage. Donc, la voiture a continué et a foncé dans le camion. Et donc, est-ce que c'est vraiment l'équivalent, la vue et la caméra, le pixel qu'on reçoit? Bien, là, on s'en va. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire une analyse qui compresse les données puis qui les traite. Puis c'est là où ce que on a l'air de dire justement que, ben tu sais, ça a l'air drôle un peu de dire que, ouais, mon ordi que j'ai devant moi est moins performant que mon cerveau, c'est qu'en fait, les heuristiques des ordinateurs actuels sont extrêmement crues quand même. Leurs capacités des traités sont très rapides, mais leurs heuristiques sont pas subtiles, sont très, très pleines. C'est pour ça qu'une automobile autonome présentement, qui a plusieurs ordinateurs comme le mien, comme mon laptop, à l'intérieur pour traiter ces informations-là. Il n'est pas capable de les traiter comme il faut, malgré toute sa puissance de traitement brut. Il n'est pas capable de se créer des bons heuristiques pour ça, des bonnes méthodes de traitement, mettons. C'est là qui est peut-être la grosse spécialité de notre cerveau. D'ailleurs, tu m'avais dit un chiffre intéressant, Lucas, il n'y a pas longtemps, que, mettons, ils ont tenté de recréer l'équivalent de l'activité cérébrale d'une personne. Ils ont été capables de faire une seconde, puis pendant une seconde, 1% de l'activité cérébrale d'un être humain moyen. Ça a pris le deuxième ordinateur le plus performant au monde, qui a fait des calculs pendant 45 minutes pour avoir 1% de ce que votre cerveau fait. Ouais. Fait que, juste donner une idée de grandeur de la tâche, puis ben de un, c'est ça, c'est... On peut dire quand même que si c'est quantifiable, ben un jour, on va arriver à cette capacité de traitement-là. Ouais. Donc, pour le plaisir de l'expérience de pensée philosophique, imaginons qu'encore, on est capable de tout faire ça. On est capable de tout faire ça, d'émuler la conscience à l'intérieur d'un disque dur. La prochaine question, c'est est-ce que la machine peut être moi? Ça, bon, il y a beaucoup de débats là-dessus. Habituellement, un consensus, c'est ça dépend de la continuité de ma conscience. C'est-à-dire que ben, si je meurs puis qu'après ça, on recrée ma conscience, bon, ben il va y avoir un truc qui va ressembler à moi, un clone de ma conscience. Un clone de ma conscience, mais ça ne sera pas moi. Hein? Par contre, ben, c'est là qu'il y a beaucoup de débats, savoir qu'est-ce que ça prend pour dire que c'est moi qui va apparaître. Puis ce qui arrive souvent, c'est qu'il existe un fameux débat alentour de la téléportation dans Star Trek. Qui est, c'est exactement le même débat, en fait. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui arrive dans la téléportation dans Star Trek? C'est qu'un être humain est détruit molécule par molécule. Les molécules sont envoyées par onde radio, ou l'équivalent d'une onde radio extrêmement puissante, dans un autre ordinateur. Puis l'ordinateur, après ça, il reprend les molécules, puis il les construit. Puis la question, c'est de savoir, dans Star Trek, à toutes les fois que quelqu'un se téléporte, est-ce que la personne meurt et c'est un clone, si on veut, reconstruit à partir de la même matière qui arrive là-bas, mais que la personne originale est morte? Mais la personne qui arrive ne le sait pas que la personne originale est morte parce qu'elle a exactement les mêmes souvenirs, la même personnalité. C'est un peu comme identique. Se réveiller, dans le fond. Tu sais, t'as l'impression, mettons quelqu'un qui s'est déjà évanoui dans la vie, c'est pas pareil comme dormir, là. C'est vraiment, tu te mets off puis tu réallumes, là. C'est le même principe. Mais est-ce que c'est la même personne? Puis ça, ben, il n'y a personne qui s'entend là-dessus parce que c'est quasiment rendu une question d'interprétation. Puis c'est le même problème qui se pose dans le cas du téléversement de la conscience. C'est que, justement, la copie électronique de notre cerveau, est-ce que c'est nous ou c'est pas nous? Puis le problème se poserait déjà dans le cas où, comme dans le film Transcendance que je disais, que pour celui avec Johnny Depp, où pour effectivement téléverser le cerveau de la personne, il faut le détruire. Mm-hmm. Elle n'a pas le choix. En fait, c'est que dans le film, le procédé est tellement difficile sur le cerveau parce qu'il n'est pas perfectionné encore que ben, ça tue la personne en le faisant, ce qui fait que ben, le cerveau meurt en même temps qu'il se fait téléverser. Mais c'est pratique, mais admettons, imaginons que cette même technologie-là va mieux et qu'elle n'est pas obligée de détruire le cerveau pour faire la même chose. Donc là, y aurait une personne physique qui est sortie du ventre de sa mère, puis ainsi de suite, et un clone parfait de son esprit, de sa manière de réfléchir, puis tout. Mais là, ce clone parfait-là, c'est pas un corps physique ou de quoi, mais c'est... Tu y parles, puis c'est exactement la même personne. Il va répondre la même affaire, et ainsi de suite. Ouais. Lequel, à un moment donné, est-ce qu'on va dire que c'est Lucas Prime, mettons? Ou est-ce que c'est Lucas Hubert en attente que le premier Lucas Hubert meure? Ou... Donc là, ça c'est une question importante, parce que c'est quoi les... Après ça, là, c'est là le bout de ce que moi, je fais mon fatigant, j'arrive avec ma philo politique, mais c'est quoi les droits de cette copie-là après ça? Est-ce qu'on a le droit de l'effacer, cette copie-là? Parce que si c'est une personne, ben l'effacer, ça reviendrait à la même chose que de la mettre à mort. Oui. Mais là, comme tel, tant qu'elle est capable de... Mettons qu'on est capable de soutenir le hardware sur lequel elle, c'est plus facile de changer un disque dur que changer sans perdre les données que de changer un cerveau, on va se le dire. Ça donnerait une quasi-immortalité, ce qui est une autre des raisons pourquoi est-ce qu'on parle de ça, pourquoi il y a de la recherche là-dedans. Les sujets que l'épisode de Black Mirror qu'on parlait, c'est les sujets qui sont explorés. Puis l'affaire, c'est que justement, ils peuvent pas, dans le temps qu'ils ont dans un épisode, faire l'exposure qu'on vient de vous faire, l'exposition de c'est quoi en fait les problèmes qui sont en arrière de ça. Bref, écoutez Black Mirror. tapez-vous pas Transcendence parce que c'est pas si bon que ça. revoyez la matrice parce que ça va vous répondre à des questions. Puis là-dessus, ben c'est déjà tout pour aujourd'hui. On va être en rediffusion samedi à 11h et en balado sur notre page Facebook dès qu'on a le temps de téléverser nos consciences sur le web. Malgré ça, on va être de retour jeudi prochain, 18h, pour une toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission qui vous parle du futur sur les ondes de C'est fou 89.1. Et finalement, n'oubliez pas de rester à l'écoute parce que de l'autre bord de la pause, ça va être très blues, assez fou avec Danny Baudin et ses collaborateurs habituels. Et pour le plaisir, avant de s'en aller en pause, on va partir en chanson. Je vais faire écouter, c'est pas habituel pour cette émission-ci, ça va être quelque chose qui ressemble à du bac. C'est une expérience justement algorithmique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un algorithme qui est capable d'analyser de la musique, des partitions, tout ça. Et dans le fond, ils ont fait écouter cet algorithme-là du bac, à peu près toute l'œuvre de bac. Puis on dit maintenant « compose ». Puis la machine a composé quelque chose qui est censé sonner pas mal comme du bac. Vous nous écrirez qu'est-ce que vous en pensez, si vous le voulez. L'artiste, en fait, le programmeur de l'algorithme a aussi fait écrire des livres à son algorithme. Il s'appelle David Cope, C-O-P-E. C'est très intéressant, puis on vous laisse avec ça.